continue l'ambiance des bars. C'est quand tout le monde part. Hein. Sur un rond de gare, parmi la foule, seul avec votre mal-être. On continue. Attends, c'est quand tout le monde part.